J'ai changé mon alimentation, ma santé physique s'est grandement améliorée, mais j'ai une lithiase biliaire, vestige de mes années anciennes. Comment l'éliminer sans perdre ma vésicule biliaire? Alors aujourd'hui, les gens perdent rarement leur vésicule biliaire, sauf quand ils tombent dans les mains des chirurgiens de l'époque. Les statistiques d'ailleurs démontrent que 2 vésicules biliaires sur 3 ont été ôtées inutilement en 89. Peut-être qu'ils en font de la nourriture à chaud. Vous devez simplement vous adresser à des endroits de, où il y a des personnes qui pratiquent les médecines douces. Il y a tellement de façons de nettoyer une vésicule biliaire. C'est même aujourd'hui, même au niveau de la médecine traditionnelle, on va se servir de l'ultrason, de certaines autres choses pour régler les problèmes. On a de moins en moins besoin de... Pour tous les problèmes de vésicule biliaire, les ablations sont de plus en plus rares, sauf évidemment quand on tombe dans les mains d'un chirurgien. Parce qu'un médecin, pilule, va penser pilule pour guérir. Un chirurgien va penser chirurgie pour guérir. Un radiologiste, un radiothérapeute va penser à la radiation pour guérir. Puis un chiro va vous dire que c'est avec la chiro qui va vous guérir. C'est un problème d'ailleurs au niveau des systèmes médicaux. Donc, si vous ne tombez pas dans les mains d'un chirurgien pour faire le pronostic ou établir la façon dont on s'en sort, on n'opérera pas. Moi, je sais comment, mais la personne, elle doit s'adresser à des endroits où on s'occupe de médecine naturelle. Elle leur explique, puis on va lui fournir certaines choses, là, puis ça s'arrange facilement, la vésicule. Est-ce que la venue du monarque, telle qu'annoncée, et le Messie encore attendu par les Juifs, sera la même personne? S'il vous plaît, veuillez préciser si le monarque viendra au Québec ou en Russie. Dans le monarque, il vient du Québec. Donc, est-ce qu'il va venir au Québec? Ça, oui. Le monarque, il naît au Québec, il vient du Québec. Et les Juifs, non, ce n'est pas le même personnage, mais c'est dans les mêmes temps. Mais les Juifs ont vécu aussi une grande mutation. Le peuple juif, c'est un peuple élu, c'est un peuple choisi. Et parce que c'est plus juste de dire choisi qu'il eut. Il a été choisi par des mécaniques extraterrestres à l'époque de l'implantation des structures de gardiennage des intraterrestres. Donc, ça se passe en Lémurie. Et on a canalisé le peuple juif à travers certaines structures pour que l'intelligence supramentale descende uniquement dans le peuple juif. C'est pourquoi, à un moment donné, la franc-maçonnerie a aidé du prieuré de Sion, qui est une espèce de factions séparées un peu du judaïsme conventionnel sont alliées pour détruire le peuple juif de façon à forcer l'intelligence supramentale à pénétrer les États-Unis d'Amérique et non plus uniquement le peuple juif. Le peuple juif a vendu l'humanité à des extraterrestres il y a de cela quelques millions d'années. Et c'est pourquoi dans la tradition humaine, c'est un peuple qui est banni sans arrêt. Certaines personnes disent que le peuple juif est un peuple rejeté des nations depuis que le Christ a été crucifié par les Juifs. Mais si on connaît convenablement l'histoire du peuple juif, on sait très bien que bien avant la venue du Nazaréen, le peuple juif était déjà un peuple qui était exilé. Mm-hmm. Bon, ils ont vécu un peu en Égypte, ils ont vécu un peu partout. Et c'est un peuple qui est rejeté de l'humain à cause du pacte qu'il a accompli. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est le peuple juif, du point de vue égrégorien, qui, à un moment donné, devra supporter le poids karmique de la vente, on peut dire, du don des génétiques humaines aux intraterrestres. Mais les juifs eux-mêmes, la majorité des êtres humains juifs aujourd'hui, sont des personnages qui, à un moment donné, vont être capables de se séparer du karma du peuple juif. Mais ça, c'est un karma qui finit pas? C'est un karma qui finit pas. Tous les karmas ne finissent jamais. Sauf qu'à un moment donné, ces karmas-là ne sont plus dans notre temps. Ah oui, ça, je comprends. Ils tournent dans leur temps. Donc, un karma, ça ne finit jamais, mais ça retourne dans son temps. Oui, donc ça lâche l'humain. Pour l'humain, le karma finit. Alors, le grand monarque, c'est ce qui va amener de l'intelligence au niveau du contexte planétaire. Du point de vue de la saveur, ce que les Juifs attendent, c'est le grand monarque. Sauf que du point de vue de l'onde de forme, ce que les Juifs attendent, c'est un extraterrestre. Et les deux vont probablement arriver dans les mêmes temps, mais dans des temps locaux très près. Est-ce qu'ils vont les reconnaître? Ou? Oui, ça va créer une scission au niveau des Juifs. Il y a des Juifs qui sont trop réincarnationnellement encore attachés à la mécanique à laquelle ils se sont voués, alors qu'il y a plusieurs autres Juifs qui vont totalement s'en détacher pour reconnaître la lumière de l'intelligence à travers le grand monarque. Mais le grand monarque, il est déjà au Québec, il est déjà parmi les humains. Sauf que les humains ne sont pas capables de le voir pour la simple raison que le grand monarque n'est pas encore visible, mais le grand monarque est déjà là. Puis c'est ça. Puis comment le rendre visible? Oh. Non? Okay. Ben, tu prends de la farine. Une autre fois, oui. Tu mets un sac, puis s'il rentre chez toi, ça va tomber sur lui, la farine. Puis là, tu vas voir une affaire à blast promener. Mais c'est ça. Ah, c'est une que je savais pas, ça. Ah oui, c'est comme ça. Avec la farine. Tu risques de voir souvent Michel en blanc, par exemple. Quels exercices puis-je faire pour avoir un dos en santé? Merci. Des exercices de dos. C'est tellement facile. La médecine de l'être nouveau, savez-vous ce que c'est? C'est de l'intelligence. De l'intelligence transfusée. Autrement dit, l'être nouveau sait très bien que toutes les pathologies ou les pathologies, qu'est-ce que c'est qu'une pathologie? Une pathologie, c'est une mécanique qui ne fait pas honneur à l'intelligence. La pauvreté est une pathologie planétaire. Les chicanes sont des pathologies planétaires. Les cancers sont des pathologies planétaires, les mal de dos sont des pathologies planétaires. Bon. L'être nouveau sait qu'une pathologie est toujours un phénomène barométrique, c'est-à-dire que l'être nouveau sait qu'une pathologie, quelle qu'elle soit, c'est toujours le signe d'un manque d'intelligence. Puis quand je dis d'un manque d'intelligence, je le dis en tant qu'être nouveau, je ne le dis pas en tant qu'être ancien. Tu sais, tu manques d'intelligence. Tu manques d'intelligence, t'es très intellectuante. T'es une bonne personne. Mais quand l'intelligence traverse l'humain, si elle ne traverse pas l'humain d'une façon totalement transparente, donc si l'âme n'est pas pure, si l'âme n'est pas anégoïsée, ce qui arrive, c'est qu'il y a des résistances au niveau de l'ego. Les résistances au niveau de l'ego vont s'exprimer de façon particulière. Ça peut être avec un ennui mécanique, ça peut être avec un mal de dos. La personne, donc, elle peut travailler son mal de dos comme l'être ancien le ferait, et je ne suis pas contre. Si elle rajoute le palliatif, de travailler son mal de dos comme l'être nouveau doit le faire. Ça, je suis pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit chercher qu'est-ce qui, dans sa psychologie, engendre des problématiques dorsales. Et en même temps, elle doit travailler les structures dorsales, c'est-à-dire que la personne a intérêt à faire des élongations. La personne, elle a intérêt à renforcer tous les muscles dorsaux. Là, je ne parle pas qu'elle commence à faire des redressements dorsaux. Tu sais, tu te couches sur le ventre, tu mets deux mains derrière ta tête, puis tu te dresses, tu sais, collègue mollo. Puis la personne, elle va nécessairement vérifier avec les manuels de la planète. Elle va aller voir un chiro, va aller voir des personnes comme ça, pour vérifier. Et on magasine les chiro, évidemment. Et les chiro, vous savez ce que c'est qu'un médecin? Je ne parle pas des médecins, là, des médecins augustins. Je parle des médecins. C'est un individu qui se trouve à être une solution applicable dans un cas particulier, dans un temps particulier. Autrement dit, le bon médecin, c'est celui qui va vous aider. Le bon médecin, ce n'est pas celui qui a aidé les autres. C'est celui qui va vous aider. Alors, le bon médecin dans la finance, celui qui va vous aider. Vous rencontrez un courtier, il vous fait placer de l'argent, puis vous gagnez le gros lot. Vous le recommandez à d'autres, puis les autres, ils perdent tout leur argent. Ah, c'est un mauvais courtier. C'est un bon courtier, comme un bon médecin. Alors, on doit magasiner aussi les chiro, on doit magasiner différentes choses. La personne ne doit chercher pourquoi elle a mal dans le dos, dans l'intelligence. C'est pas, ben oui, mais j'ai mal dans le dos parce que quand j'étais jeune, j'ai tombé en bas d'un cheval, ou j'ai brûlé l'escalier sur le dos, puis je me suis cassé deux apophyses épineuses, puis ce temps-là. C'est pas ça. Le crabe, le homard, coupez-lui une patte, il va leur pousser un autre. T'as eu votre mal de dos qui date de là 15 ou 20 ou 50 ans. C'est parce qu'on y tient. Alors, la personne doit fouiller chez elle en tant qu'être nouveau. En tant qu'être nouveau, elle doit rechercher qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau barométrique. C'est un signe, quelque chose que vous devriez faire, que vous ne faites pas. Puis c'est pas une petite banalité, là. Désinhibez-vous. Devenez un égoïque. Cessez de vous sentir médiocre. Laissez-vous aimer. Rayonnez. Il n'y a pas un mal de dos qui résiste à ça. Là, ils ont fait mal au dos aux autres. Il y en a d'autres qui ont mal au dos. Ils vont tomber sur le dos quand ils vont pouvoir arriver. Puis, en attendant, on se fait supporter par les médecines manuelles de l'époque. Puis, par la suite, la personne, elle va restructurer. C'est sûr qu'une personne qui est capable de faire du menfis, juste au niveau de ses structures dorsales, elle va finir par récupérer son dos. Mais à l'unique condition qu'elle fasse en même temps le travail au niveau de l'intelligence. Sur ça, on va vous guérir le dos, puis vous allez avoir un problème d'arthrite dans le coude. Là, vous passez votre vie à éliminer un problème qui se sauve. Puis mal à la tête maintenant, là. Je boite. Là, je boite plus, là, maintenant. Je boite plus, là. J'ai un tic. Là, j'ai plus de tic, là. J'ai plus de tic. J'ai mal aux dents. Fait que là, tu passes ta vie à faire des médecines douces. Normalement, dans ce temps-là, c'est pas long que tu trouves une clinique. Ben, avec tout ce que tu as appris. Tu as encore mal quelque part. Ah, ben, c'est évident. Quand tu dis que l'homme doit faire en sorte que la création n'a jamais existé, est-ce que c'est synonyme aux paroles que le Nazaréen disait « Père, que ta volonté soit faite » Ben, c'est la même chose, sauf que ça, les deux choses sous-tendent plein de choses. C'est pas fini, peut-être. La perception par la conscience que l'homme est dans la création et que la création est dans l'homme m'amène à réaliser que être, c'est aussi percevoir le défaut de la qualité et la qualité du défaut. Oui, mais la personne va passer à une autre étape à un moment donné, elle va découvrir que ce qu'elle a découvert, c'est de la philosophie. Puis c'est très bien. Puis à un moment donné, on découvre que la qualité du défaut, puis le défaut de la qualité, c'est pas pour nous autres, on ne regarde plus cela, on va laisser ça aller au-dessus, puis on va continuer à vivre. Mais ça, quand la création n'a jamais existé, c'est le début de l'existence. Non. Non? Non. C'est quoi la création, elle n'existe pas, tu n'existes pas. Mm-hmm. Le micro n'existe pas. Oui, OK. Et les cassettes qu'on vend n'existent pas, puis l'argent que vous nous donnez pour acheter les cassettes n'existe pas. Bon. Mais c'est le début, pas de l'existence, mais le début. Mais c'est pas le début non plus. OK, c'est vrai, puis ça a toujours été là. Bon. Ah, c'est vrai. C'est correct. Simplement que, parce que l'humain est bien mal pris, l'humain est une créature du temps. Étant donné que l'humain est une créature du temps, pas l'intelligence, pas l'être humain, l'humain est une créature du temps. Étant donné que l'humain est une créature du temps, nécessairement, la solidité du facteur temps est absolument sine qua non, absolument essentielle à sa qualité ou à sa condition d'existence, de vie. Alors, l'humain qui est une créature du temps, quand on lui dit que le temps un jour n'existera pas, l'humain va comprendre. Si je dis un jour, le temps n'existera plus, et il va comprendre. Mais si le temps n'existe plus, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune maudite mémoire du temps. Ça veut dire que du point de vue du temps qui n'existe plus, le temps n'a jamais existé. Hein? Mm-hmm. Bon. La création, elle existe uniquement en fonction de la valeur temporelle qui est placée à l'intérieur d'elle. Ça veut dire que la création existe uniquement par rapport aux observateurs qui l'habitent. Ça veut dire que la création existe uniquement par rapport à elle-même. Au-delà de la création, il n'y a pas de temps. Là où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mémoire. Là où il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de passé. En fait, mais il y a quelque chose, par exemple. Oui, d'accord. Pour assurer, il y a quelque chose. Mais il n'y a rien. OK. Ben, fallait bien mettre un mot. Rien. OK, il n'y a rien. Bon. Il y a rien. Alors, tu vas te nourrir de rien. Ben, c'est ça. Tu ne suceras rien. Tu vas marcher dans rien. Bon, ça va être rien. Ouais, OK. OK, mais... Non, mais... Parce que moi, ça... Parce que tu veux décrire un verre d'eau... c'est que c'est de l'instantanéité. L'instantanéité est instantanée. Ça veut dire que quand tu viens pour dire verre d'eau, il n'y a pas assez de place dans le temps pour dire... Mais le... Alors, tu ne dis pas verre d'eau. Non. Tu prends du temps pour dire verre d'eau. Comme c'est instantané, c'est absolu. Mais ce ne sera pas vide, ça, je veux dire. Oui. Ça ne sera pas plein. OK, non. Non, c'est tout ce que tu vas vouloir dire. Pourquoi ça marche pas, ça je comprends. Faut aussi bien passer à l'autre question. Ben oui, c'est ça. Me constituer un troisième cerveau est la seule façon de comprendre la vie, tes conférences, les gens. Autrement que par la conceptualisation. Voilà, c'est pas une question, là. Le troisième cerveau, ça pose tout seul, hein. Faites-vous en pas, vous allez voir. C'est comme un coup de marteau sur la tête, et là-bas, ça pose tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Occupez-vous à tenir debout pour ne pas tomber, pour ne pas vous en faire d'autres. Là-bas, c'est du marteau, ça pose tout seul. L'intelligence instrumentale, quand elle descend chez lui, elle descend comme une brique, ce qui fait que ça crée une bosse, le troisième cerveau. Le troisième cerveau, c'est l'excroissance du canal ajusteur de pensée. Puis l'excroissance de l'ajusteur de pensée, c'est ce qu'on appelle aussi le dos éthérique. Bon, le troisième cerveau, c'est les prémices, c'est le fœtus du dos éthérique. Alors que le canal l'ajusteur de pensée, c'est par là que va naître le troisième cerveau. Puis en expansion, il va devenir le dos éthérique. Puis finalement, c'est ce qui va créer un corps de lumière qui va se rapprocher du corps de physique pour le fusionner. Ça se fait tout seul. Mais voyez-vous, la différence qu'il y a simplement, c'est que l'être humain, il essaie souvent de contrôler des choses. Être son maître contrôleur, ça veut dire avoir un mental qui va être capable de recevoir l'intelligence pour contrôler les structures endocriniennes du corps physique de façon à les désassociatir des contrôles de l'ego, donc des vecteurs astraux. Mais l'humain, ce qu'il se dit, c'est qu'il faut un troisième cerveau. Tabarnouche, je vais méditer, me faire un troisième cerveau, moi, là, puis là, ce qu'on s'en rend de personne, puis là, sans créer une bosse, là, puis 20 ans après, elle apprend qu'elle a une tumeur cérébrale. Là, on m'a dit, Daniel Kim, il nous a dit qu'il fallait qu'on se fasse un troisième cerveau. Vous devez digérer vos aliments. Et comment on fait? Mange. Ça va se digérer tout seul. Là, on va te dire, il faut que tu sois relax, il ne faut pas être trop stressé. Ça sécrétait trop d'acide. Ah oui, mais moi, j'aimerais ça être stressé puis contrôler mon système d'acide pour ne pas sécréter des acides, même si je vais être stressé. Ça, c'est typiquement la vision des spirituels. Je ne dis pas que la personne ne sait qu'elle vit. J'explique simplement que c'est ça qu'il ne faut pas vivre. Troisième cerveau, ça va se créer tout seul. Si vous êtes capable de reconnaître l'esthétisme quelque part sur la planète, l'intelligence, vous êtes capable de reconnaître l'intelligence, ça veut dire que nécessairement, vous avez de l'intelligence chez vous. Puis en la laissant s'exprimer, le troisième cerveau va commencer à croître. C'est banal. Sauf qu'il faut l'exprimer. Ça, c'est moins banal. Parce que l'humain l'exprime jamais. Quand je commence à dire « faites ceci » en mémoire de vous autres, ben les médias qui se disent « suite »,« ah oh, ben, esti, moi le coup ça la gueule, moi. » Pourquoi? Parce qu'il est tellement sûr, l'individu, je parle pour une personne qui est ici, tellement sûr, l'individu, qu'il ne pourra pas, mais s'il se met à le faire, ça veut dire que lui descend par différence de potentiel, par observation. Fait qu'il va le casser les jambes. Comme ça, il va être égal. Mais n'importe quel humain peut avancer. Alors, ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit appliquer les choses, puis l'humain va développer son troisième cerveau, puis l'humain va développer son double éthérique, puis l'humain va développer une joie. Hein? La joie, c'est le bonheur de l'homme nouveau, c'est instantané. Et puis, il n'y a pas de problème. C'est très simple. Sois heureuse. Puis, t'as-tu compris le PMC au complet? Oui. Tu sais? C'est vrai. Sauf que, évidemment, il te faut des techniques, parce que t'es plein de... En réalité, les techniques du PMC, savez-vous ce que c'est? Ce sont des anti-techniques. C'est pour contrer les techniques d'imbécilité que tu continues à manifester. Alors, tu as une technique astrale qui charrie ton corps physique. On te met une technique mentale, le Menfi, entre autres, qui va venir contrer ça. Puis comme le Menfi est associé à l'intelligence, bien, à un moment donné, le Menfi va arrêter. Mais tu ne seras plus charrié vers l'astral. Après ça, on va te donner des techniques d'ajustement de la pensée, des techniques à Jupen, pour contrer des techniques qui vont à l'inverse de tout ça, puis qui polluent carrément ta pensée, bien, qui polluent en réalité la parole dans ta tête, la parole orale. Après ça, on va te donner des techniques qui vont restructurer ton corps physique au complet. Pourquoi? C'est pour aller à l'encontre des techniques que tu as acquises. Celle d'être mal assise, celle de mal marcher, celle de ne pas faire l'éducation physique. C'est une technique de la technique de l'évachement. Ça s'enseigne partout. Et puis après ça, on te donne des antitechniques pour que tu redeviennes ce que tu aurais dû être. Puis après ça, les techniques, il n'y a plus rien à faire, les techniques, t'es bien. Mais il faut qu'on te donne des techniques. Le PMC, c'est ça. Pour être esthétique, la désinhibition doit-elle se faire uniquement avec d'autres individus intelligents qui comprennent le sens? Non, pas pour être esthétique. La désinhibition ne peut se faire autrement qu'avec des individus intelligents qui en comprennent le sens. Parce que si on se désinhibe avec des individus qui ne sont pas intelligents et qui n'en comprennent pas le sens, on ne se désinhibe pas, on se libère. Bon, par exemple, l'exemple, c'est qu'il y a un lac, puis il y en a deux qui se désinhibent puis qui se baignent nus. Mais il faut que ces deux-là attendent que ceux, parce qu'ici, il y a un groupe. Puis si les autres sont pas... Non, c'est bien simple. Tu arrives dans un lac, il y a une personne qui se baigne nue, tu as le goût de te baigner nu, tu te déshabilles, tu te baignes nu, aucun problème. Tu es désinhibé. Si tu arrives dans un lac, une personne qui se baigne en maillot de bain, mais toi, ça ne te dérange pas des tout, tu te déshabilles, tu te baignes à côté d'elle, tu es totalement libéré. Donc, tu te fous royalement de l'autre. Donc, ça, c'est libéré, c'est pas désinhibé. La désinhibition, là, ça crée un cadre qui est nourrissant. Ça ne te dérangerait pas d'être baigné en maillot de bain une fois par année à cause qu'il va y avoir quelqu'un là. Tu vas pouvoir bénéficier. Ça revient encore à la question d'affection. Oui, mais moi, j'aurais voulu me baigner nu. Tu vois, tu te nourrisses de tout au complet parce que 99,9% se passait. Fait que tu t'en vas frustré à la place. Mais non, tu te mets un maillot, tu te baignes. Ouais, mais c'est pas pareil. Tu fais ta grande gueule. Tu as passé une partie de ta vie de baigner avec un maillot, tu n'as pas souffert. Bon, mais tu te nourris de la même façon. Tu n'es juste pas aussi bien que tu l'aurais voulu être. Prends au moins le 99% qui se présente. Le 1%, écoute, tu n'en mourras pas. Mais la personne s'en va frustrée à la place ou bien non, se libère carrément. Puis libéré, tu ne te nourris pas non plus. Libéré, tu nourris ton ego. Puis désinhibé, tu nourris ton corps astral en plus de nourrir ton corps. La personne qui est désinhibée, c'est une personne qui nécessairement est esthétiste. C'est pas une personne qui se dit « Ah ben moi, il n'y a rien là! » Écoute, il y a tout là. La preuve, fais-le pas savoir qu'il y a tout là. C'est une personne libérée. Personne désinhibée. Une personne désinhibée, ça ne dérange absolument pas de prendre un verre de vin dans un party, là, puis c'est une verse sans tête. Ça ne dérange pas. Elle fait pas, c'est stupide. Mais ça ne dérange pas. Puis si tu vois quelqu'un qui est désinhibé un jour qui fait ça, là, tu sauras qu'il est libéré. Parce que la personne désinhibée, ça ne la dérange pas. Mais elle ne sera pas non plus, c'est pas intelligent. Mais ça ne la dérange pas. Il y en a qui pensent que pour arriver à se désinhiber... On doit se faire chier. Oui. Puis il y en a qui pensent qu'il faut qu'on se libère. Il faut passer par un... Ah oui, mais si tu te libères, tu te désinhibes. Ben, c'est ça. Si tu te libères, tu fais reculer un peu. Ah, oh, moi, je recule pour prendre le meilleur élan. Tu vas voir que ton élan est dans le mauvais sens. Non, mais l'argument, c'était que si tu es inhibé, tu ne peux pas ouvrir la bouche. Fait que là, tu te libères. Oui, mais c'est ça, tu n'as rien saisi. Ça, mais... Il faudra parler encore de la désinhibition parce qu'il... Encore? Oui. Non, je n'ai assez parlé. Oui, mais non, il y a... plusieurs conférences. C'est pas saisi encore. Je sais que c'est pas saisi encore, mais les gens vont comprendre à un moment donné quand ils vont se faire inhiber par ceux qui auront appris à se désinhiber. La désinhibition, c'est lorsque toutes les limites psychologiques imposées à la conscience ascensionnelle de l'humain sont rejetées par la descente de l'intelligence. La libération, c'est lorsque les limites imposées dans la conscience de l'humain sont rejetées par la frustration astrale puis égoïque de l'humain. Bon. C'est clair, hein? Ben, libérez-vous pas. Quelqu'un qui est libéré financièrement. Bon, sur son argent, il y a un pogné de petits changes, là, tabarnouche. Putain, du type! Ben, non, à un moment donné, ben, les canals, lui, oh, l'argent, rien, là, de l'argent, non, masse d'argent, puis c'est 5 de l'argent, puis t'es libéré, ça. T'es libéré. C'est pas un riche, tu seras jamais riche. La personne qui est désinhibée, à un moment donné, écoute, tu rentres dans un endroit particulier, puis il faut que tu sois discret, et chaque fois que tu fais un pas, ça fait schling-a-flang, tu sais, ton argent se remène dans tes poches. Ça ne te dérangera pas de la donner en pourboire, ou de l'acheter, ou de la donner à quelqu'un, ou de la serrer quelque part. Ça ne te dérangera pas. Sauf que là, il y a une raison intelligente de le faire. Mais c'est pas, tu échappes à 10 cents, ou à 5 cents. Ben oui, ça veut dire que tu t'aimes pas. Parce que le 10 cents, là, représente un pourcentage de ta vie, de ta santé, puis de ton temps. Alors, oh, c'est qu'une cellule, tiens! Fais moi rien, là! Ben oui. Quand c'est 25 000 cellules, là, un bras au complet, ah, là, il est tout là, hein? Mais c'est un paquet de 10 cents. Fait que comment peux-tu, toi, aimer plus? Tu vas aimer un 10 cents seulement si t'en gagnes. Ben oui. 2000 10 cents, là, on l'aime, là. Mais avec un 10 cents, on ne peut pas l'aimer. Ben, l'humain ne s'aime pas parce que c'est une partie de lui qui est aux poubelles. Parce que c'est pas parce qu'on gagne 25 $ de l'heure que ton heure ne vaut plus rien. Elle vaut toujours une heure de ta vie. Alors, c'est la même chose. Il y a tellement de banalités. Mais il y a deux façons d'être inhibé aussi. Il y a plus que deux façons d'être inhibé. Oui, mais c'est pas... Une d'être désinhibé, puis il y a tout un paquet d'être inhibé. Mais c'est ceux qui sont inhibés par crainte. Eux peuvent... Ils ne sont pas inhibés. Ben, ils sont inhibés. Moi, oui. C'est ça. Ils sont inhibés. Mais c'est la même chose. C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour être capables de reconnaître ce qu'ils sont, fait qu'ils vont craindre. Comme nous, tout à l'heure, on a parlé aujourd'hui, il y a un paquet de personnes prochainement. Je ne parle pas de vous autres, là. Il y a un paquet de personnes qui vont être inhibées en maudit parce qu'ils vont nous craindre en maudit. Ben, c'est la seule façon. Quand l'humain passe intelligent, l'inhibition devient une crainte. Parce que qu'est-ce que c'est que l'inhibition? L'inhibition, c'est le respect imposé. Mais il y a deux façons de respecter, il y a une façon d'être inhibé. Moi, je te respecte parce que je te respecte, ou moi, je te crains, ce qui fait que je te respecte. C'est comme la personne qui fait des poids et haltères parce qu'elle se dit, dans la rue, là, moi, là, je vais me faire respecter. Fait que moi, des gros bras, puis je vois ça que je vais me faire respecter. Les gens ne te respecteront pas, les gens vont te craindre. Mais dans l'ère ancienne, le respect ne peut pas aller plus haut dans le système social que jusqu'à la valeur de la crainte. Dans les écoles, c'est imposé aussi. Les élèves vont respecter les professeurs, parce que les élèves vont craindre les professeurs. Les élèves vont respecter les règlements, parce que les élèves devront craindre les règlements. Mais quand tu deviens intelligent, tu commences par rejeter la crainte. Puis là, il y a un processus qui est problématique, parce que tu te libères. Puis en te libérant, bien là, nous, enfin, l'intelligence vient te re-t'inhiber. Là, tu ne craindras pas nécessairement, tu es inhibé quand même, mais le respect reste un respect imposé. Tu ne crains pas parce que tu reconnais la valeur bénéfique de la chose, mais tu crains toujours parce que finalement, c'est par la force qu'on t'arrive, qu'on t'oblige. Puis quand l'individu se désinhibe, ça veut dire que l'individu est capable de traverser de l'autre côté où il n'y a plus de limite, tout en conservant le respect. Il n'y a plus de crainte. Ça veut dire qu'il ne peut pas payer l'espace vital de quelqu'un, ça veut dire qu'il ne peut pas voler, ça veut dire qu'il ne peut pas être inécologique, ça veut dire qu'il ne peut pas mettre le feu, il ne peut même pas être jaloux. Ça, mais avant de se désinhiber, il faut-tu qu'il commence par être inhibé, non par crainte, mais par intelligence? Oh, c'est même pas nécessaire. De toute façon, c'est ce qui va lui arriver. La personne qui est inhibée par crainte, progressivement, l'individu qui l'inhibe ou si l'événement qui l'inhibe est un événement qui est beau, qui est blanc, bien, automatiquement, l'individu va lentement permuter sa crainte en respect inhibiteur. Puis par la suite, il va falloir que lui apprenne à se désinhiber en face de lui, donc règle ses propres problèmes pour traverser l'autre côté. Parce qu'on se désinhibe toujours avec quelqu'un, mais on se désinhibe toujours en face de soi-même. L'autre devient simplement le miroir qui va nous obliger à bouger, puis qui va nous montrer des choses. Parce que tu es désinhibé, par exemple, tu es inhibé au niveau de ton corps physique. Être nu devant quelqu'un, c'est toute une amanchure. Alors, oui, mais moi, je me désinhibe tout seul. Je n'ai pas besoin des autres, moi. Bon, ben, tu es nu devant, devant toi-même, ça va bien. Tu es toujours inhibé au niveau de ton corps physique parce que tu as peur du jugement d'autrui. Donc, en partant, tu n'es pas capable de supporter ce que tu es. Tu n'es pas capable de t'aimer suffisamment pour ne pas être dépendant du jugement d'autrui. De ce fait, tu n'es pas capable, encore une fois, de te présenter devant les autres. Mais tu ne te présenteras pas devant des individus qui vont se libérer, parce que là, c'est une autre chose, c'est que la saveur, quand on se désinhibe, on s'alimente toutes les plantes. Mais c'est évident que si tu ne manges plus de viande, parce que tu es végétarienne, tu ne peux pas aller te désinhiber dans un endroit où, en retour, on va te donner de la viande. Tu ne pourras pas t'alimenter. Ça veut dire que tu ne peux pas te désinhiber devant des gens qui ne sont pas intelligents, parce que le retour endoformique que les autres vont t'émettre, ce ne sera pas une nourriture pour toi. Donc, à partant, il n'y a pas d'intelligence de faire un mouvement-là. Tu vas te désinhiber devant des gens qui sont intelligents, parce que le retour endoformique de ton action va te nourrir. Ça va créer une synergie. Normalement, lui va aussi se désinhiber. Et ça va créer une synergie. Bon, c'est pour ça que la désinhibition se fait nécessairement toujours avec des gens intelligents. 1, 2, 3, 4, 15, 20, 200, ça n'a aucune importance. Et que la désinhibition, c'est toujours le respect et l'intelligence. C'est eux qui sont toujours, c'est eux qui procèdent au déshabillage des limitations de l'ego. Les limitations ont été imposées parce que l'ego ne veut pas d'intelligence. La personne qui se libère, elle, c'est qu'elle élimine les barrières, les limitations imposées, mais elle n'a toujours pas d'intelligence. Fait que nécessairement, il va falloir qu'on la réinhibe à un moment donné. Il y a des personnes qui s'approchent de d'autres personnes, on va dire, par exemple, les enseignants, les enseignantes, bon, ils sont au contact de jeunes, puis ils ne les respectent pas du tout dans leur espace vital. Donc, ils sont libérés. Il y en a d'autres qui vont agir exactement de la même façon, mais les jeunes vont être totalement réceptifs, parce que là, la personne, elle est désinhibée. Elle n'a pas peur, donc elle n'est pas inhibée par la crainte ou par quoi que ce soit. La désinhibition, on en parlera 5 minutes à chaque fois. Supposons un branche camarade majeur sur la planète. Bon, supposons. Et qu'une partie de celle-ci soit effectivement déplacée temporellement. Oui, supposons. Des individus y ont des enfants. Oui. Comment seront-ils constitués, surtout du point de vue amique? Pas d'astral, âme pure? Faites-vous-en pas avec ça. Je me dis que dans cette condition, il sera mauditement intéressant d'avoir des enfants, d'autant plus qu'on ne pourra pas voyager bien loin physiquement. Qu'en dis-tu? Ça me tente d'avoir beaucoup d'enfants, mais pas dans n'importe quelle condition, et je suis patiente, je te pise. Mais vous savez, c'est très, très correct, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est parfait. La majorité des personnes, là, ils vivent ça. Chacun sa façon. Bon, je me dis que dans cette... Bon, j'en ai tellement rencontré, moi, des personnes qui me disaient, « Moi, j'en veux des enfants, mais pas ici. » J'étais jeune, mais je leur disais, « Ouh! » Bon, maintenant, je sais un peu plus, là. C'est pour ça que je vais aller sur une île déserte, moi, là. T'sais, au moins, aller faire un « ou » quelque part. C'est ça, voilà. Donc, il va effectivement avoir un brosse camarade sur la planète Terre, une sortie, bon, c'est bon, là. Les enfants vont être constitués comme ça. Faites-vous-en donc pas avec ça. Pourquoi? Parce que les individus qui vont sacrer le camp, là, c'est les individus qui vont faire des enfants corrects. Parce que c'est l'éducation, l'instruction qui est extrêmement importante et qui manque totalement chez la jeunesse. Pas l'éducation, mais l'instruction. On ne devrait jamais éduquer un être humain, on doit l'instruire, mais jamais l'éduquer. Mais on n'a que des éducateurs, on n'a pas d'instructeurs. Puis, quand je parle d'instruire l'enfant, c'est l'instruire l'enfant en fonction de ce qui se passe dans la réalité des choses. Tu ne l'obliges pas à être écologique. Il montre ce que c'est. Puis le pourquoi que c'est intéressant et intelligent d'être écologique. C'est pas grave un enfant, ça comprend. Sauf qu'au début, on commence par l'éduquer. Ça veut dire qu'on le frustre, on le limite, on le barre, on l'inhibe. Puis une fois qu'il est bien inhibé, bien gelé, là, on essaie de lui expliquer la beauté de notre monde. Tu sais, grand-maman, c'est une personne qui est gentille. Ben oui, je comprends. Chaque fois que je la vois, je me fais battre. Parce qu'apparemment, je suis toujours impoli, je suis toujours ci, je suis toujours ça. Il a fallu qu'on m'instruise de certaines choses. Après ça, j'aurais été capable d'accepter que grand-maman est correcte. Mais si on met de l'ordre partout, ça va être facile après d'éduquer. Exactement, c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Sauf que l'enfant est éduqué par tous les adultes qui l'entourent, pas par le père, la mère ou l'éducateur, dont l'instructeur mandaté. Ça fait partie encore des visions collectives. Une société qui est limitée au niveau de sa gestion affective, de l'alimentation du corps astral, peut pas éduquer ou instruire, on va dire instruire, peut pas instruire la jeunesse parce que c'est pas tes enfants. Puis quand ça te dérange pas trop, ben t'as des difficultés encore à te rapprocher d'eux autres parce que c'est toujours mal vu. On peut pas, dans la société actuelle, ça ne se fait pas encore d'être père, mère, fils, fille de tout le monde. Alors, nécessairement, ça crée un paquet de problèmes parce que les individus, tout le monde se fout, mais tout le monde en souffre. Tout le monde se fout de tout le monde en souffre. Dans une société intelligente, c'est évident que les jeunes qui vont être amenés là, c'est des jeunes qui déjà font partie de cette structure, c'est des jeunes qui sont déjà intelligents. Les adultes qui vont être là, c'est des adultes qui sont capables de supporter leur intelligence. Et les enfants qui vont naître dans un cadre comme ça, c'est des enfants qui vont être dans un cadre de... Premièrement, par une génétique et une réincarnation, ils vont réincarner à peu près juste les mécaniques de l'avenir. Et c'est des enfants qui vont être dans un cadre où l'instruction sera totale, à partir de leur enfance. Quand je parle d'instruction totale, je ne compte pas tout. Mais totale. Ce n'est pas une manipulation dans le sens reformer un enfant, etc. C'est une instruction. Ça veut réellement dire instruire, ça veut dire... fonctionner uniquement par intelligence. Quand on instruit quelqu'un, c'est par l'intelligence. Sinon, on l'éduque à penser que 5 et 5 font 10. On n'a pas instruit, on l'a éduqué. Quand il commence à obstiner que 5 et 5 peuvent faire d'autres choses, le monde s'obstine. Donc, en partant, c'est parce que les gens étaient éduqués que ça faisait 10, que ça devait faire 10. Mais les gens n'ont pas été instruits des mathématiques, les gens étaient éduqués des mathématiques. Une grosse nuance. L'instruction, on n'en fait pas d'instruction. L'instruction, ça dépend de l'intelligence de l'individu, puis tu le laisses venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne comprend pas, tu le laisses aller. Quand il sait qu'on sa gueule comme il faut, tu viens lui l'instruire. Tu viens lui dire. Il va comprendre tout de suite. Après 3-4 fois, il va savoir qu'il a intérêt à écouter ce que tu dis. Parce que ça rapporte. Mais le branche camarade, là, est-ce qu'on est encore... Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on a dépassé la... Non, trop tard. Écoute, le temps, ça existe. Après, ouais, on joue ça comme on veut. Parce que le branche camarade n'est pas nécessaire. On aimerait bien que ce soit pas nécessaire, mais il y a des fortes chances qu'il n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'il n'est pas voulu. Ça va dépendre simplement de d'autres. Si l'astral est capable de retenir ses épées, là, ben c'est dommage. Quand il y a une épée astrale qui va faire une connerie, on va bûcher sur l'épée. On va bûcher sur tous ceux qui n'ont pas su le retenir. Non, c'est vrai. Les innocents, là, on va te les fouetter et on va te les faire baver. Donc, il faut cesser d'être innocent. Ce serait une manière. Moi, je parle de l'astral. Non, je sais, mais si l'astral bûche sur l'épée, puis en plus ceux qui auraient dû appliquer, puis qui n'ont pas appliqué, puis que. C'est ça, c'est d'être innocent? Ouais. On n'est pas obligé de faire des campagnes politiques, mais c'est parce qu'il faut fonctionner avec les lois actuelles de la politique. Bon, tu prends des otages astrales. Là, tu peux manipuler un pays au complet. Puis c'est toujours les innocents qui payent le prix. Mais dans l'astral, l'innocent est un être volontaire. L'innocent, là, c'est quelqu'un qui s'est porté volontaire. Ah, malgré lui? Bon, oui, malgré lui, oui. Alors, t'as pas le choix. Autrement dit, t'as un peuple de belligérants qui veut t'envahir, c'est toutes des épées, toutes des imbéciles. À un moment donné, tu vas dire, c'est quoi leur point faible? Là, tu dis, eux autres, quand ils se lancent en guerre, là, ils creusent des immenses trous puis ils cachent leurs enfants. Parfait. On va faire on voyait un commando, ils vont kidnapper tous ces enfants-là au complet pour les amener. Quand la gang va venir, on va taper ses enfants. Ils viendront pas. C'est chiant, hein? Mais y a-t-il moyen? Mais c'est parce que ça, c'est le même, c'est le langage que parle l'animal humain. Là, il faut encore parler. C'est évident qu'on va leur faire croire qu'on bûche les enfants, puis c'est évident qu'on ne bûchera pas sur personne. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'eux vont souffrir autant. T'as pas le choix. Donc, on ne peut pas faire autrement. Fait qu'il faut encore leur parler dans leur langage. Ben, ça sert à rien de parler. Mais jusqu'à quand? À Rapao, à quelqu'un qui parle uniquement le Micmac. Jusqu'à quand? Quand ils vont être capables de vouloir apprendre une nouvelle langue? Paix! Ça veut répondre à quel fusil? Par! Ben là, okay, ça sert à rien. Tu réponds pas toi aussi, ils vont faire par, puis à un moment donné, ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'il faut faire qu'ils aient peur. Vous savez, la planète Terre ne pourra pas aimer les individus qui sont extraordinaires. Elle ne pourra que les détester ou elle ne pourra que les craindre. Ça ne veut pas dire que si l'intelligence est crainte, qu'elle bûche dans l'eau. Ça veut dire qu'il faut absolument que l'astral soit sûr et certain que l'intelligence n'a pas de problème à bûcher dans le tas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'astral veut vérifier, elle ne vérifiera pas une autre fois. C'est-à-dire que le tas va être diminué une fois qu'on va bûcher dedans. Puis, c'est déplorable. L'intelligence ne veut pas. Mais il n'y a rien à faire, c'est le langage que parle l'astral, puis l'astral est au courant. Je ne suis pas le premier à avertir l'astral dans ces époques-ci. Et l'astral est suffisamment au courant. L'astral, elle fait... elle doit se tenir, oui. Parce que... pour rentrer là-dedans, pour aller démentir l'affaire au complet, là. En tout cas, je te le dis, le mot souffrir n'a aucune valeur par rapport à ce qu'ils vont connaître. Le mot apocalypse est beaucoup plus près. Si l'astral me touchait l'homme nouveau, à la femme nouvelle ou à l'enfant nouveau. Le mot apocalypse est beaucoup plus près de la réalité. C'est-à-dire que ça va se retourner contre eux. Ah, ça va faire bien pire que se retourner contre eux autres. Ben là, je crois pas. Quand l'astral a peur de l'enfer éternel ou etc., là, eh ben c'est ça. Ça ressemble à ça un petit peu. Tu crées une boule spatio-temporelle dans laquelle tu fous l'astral au complet, tu mets le feu là-dedans, puis t'envoies ça quelque part, puis ça va se tenir une personne. Là, ça va vouloir se servir des humains? Oh oui, mais ça pourra même pas. Que ça serve des humains, c'est correct. Les humains en ont besoin. Mais que ça ne vienne pas toucher un être transitif suffisamment avancé ou un être nouveau, parce que il va avoir des problèmes à ta branche. On peut te dissoudre une religion en quelques secondes. Fait qu'il se fasse la guerre entre eux autres, c'est deux affaires. On ne s'en mêlera pas. On n'a rien contre les dieux. On n'a rien contre les manipulateurs. On n'a rien contre la mémoire. On n'a rien contre la tradition. Qu'ils ne fassent pas chier. Puis, il n'y a aucun problème là. Le contexte planétaire, là, on ne veut pas le sauver. Nous, on s'en dégage, c'est une autre chose. Après ça, on va faire ce qu'on a à faire, simplement. Il en masse d'alimentaires, etc. Puis, quand il y a de l'intelligence qui va sortir chez un humain, bien, cet humain-là, il ne leur appartient plus. Il appartient à l'intelligence. Il va falloir qu'ils comprennent sans ça. Ils ne pourront jamais lutter contre l'intelligence. Ils peuvent même pas, toute l'astral au complet ne peut même pas lutter contre un seul humain centré dans son intelligence. Sauf que l'avantage que l'astral a, c'est que l'humain centré dans son intelligence n'a rien à foutre de l'astral. Il ne se mandatera pas et il ne se missionnera pas à détruire l'astral. Et si l'astral veut pénétrer sur le territoire d'intelligence, tu vas voir qu'il va y avoir une razzia punitive qui va se ramasser très loin de l'autre côté. À chaque fois que l'astral va avancer d'un pouce, on va augmenter notre territoire de quelques 300 ou 400 000. Quel intérêt à pas... Intérêt à pas trop, non. Qu'elle observe, qu'elle regarde, qu'elle prenne des photos, pas de problème. Ça va lui permettre de se créer des spiritualités intéressantes. Mais quand l'astral va vouloir gagner un pouce, ils vont perdre des milliers de kilomètres. On n'ira pas les repousser, là. On va le gagner, ça. Là. On va aller intelligencer ce territoire-là. C'est exactement comme si tu disais à une nation, disons qu'on est les États-Unis d'Amérique. Bon, ben, faites pas la guerre avec nous, puis on n'ira pas vous écœurer. À un moment donné, il y a un petit pays qui veut faire la guerre avec toi. Il fait la guerre, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez lui, tu tapes la gueule à tout le monde, puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Ça devient un autre État. Mais voilà. Maintenant, c'est américain, il n'a plus. Puis vos religions, on ne peut rien savoir. Et si tu veux absolument rester dans cette religion-là, on va te déporter des pays où ce qu'ils en font, puis des meilleurs trucs que ça. C'est un État maintenant. 53, puis 54e État américain, ça va être comme ça. Puis tant que tu n'écœures pas, tu n'écœures pas. Des échanges, on peut en faire. Puis tu veux faire des choses selon tes lois, sur notre terrain, tu risques de devenir un autre État. Fait que c'est comme ça que ça va fonctionner, puis c'est la seule affaire, que c'est la seule façon que l'astral peut comprendre. Quand un viol de psychologie et de conscience est-il permis? Jamais. Quelle est l'utilité de ceux-ci à part la déstabilisation par l'éclatement choc temporaire d'une émotion? Même pas, les viols sont jamais permis. L'astral en fait, mais c'est pas permis. L'intelligence en fait jamais. Ne serait-il pas plus ajusté de mettre l'ego au courant d'un têtage émotionnel par le biais du mental? De la personne qui, elle, pourrait instruire par la suite d'une façon adéquate et douce l'ego, et cela par apprivoisement, sans qu'il y ait d'onde de choc en retour? Oui, absolument, absolument, absolument. Quand on a, par exemple, 50, 60 ou 200 ans à passer avec un individu, on peut faire ces choses-là. Ce que vous devez comprendre, j'explique souvent dans le séminaire qu'il y a un racisme qui fait partie de l'être nouveau, Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, puis il y a ceux qui représentent le reste. Ceux qui représentent le reste, on ne crache pas sur eux. C'est du bon monde, du monde correct, c'est du monde comme on était nous autres. Ceux qui représentent le reste, ben, ça ne sert à rien de communiquer de l'intelligence à ces personnes-là. À un moment donné, ces personnes-là vont toucher l'intelligence. Ils vont cellulariser les choses, elles vont muter. Quand elles touchent l'intelligence, elles font partie de ceux qui sont susceptibles de savoir. Encore là, il faut leur donner les ingrédients, il faut leur donner l'instruction qu'ils ont besoin. On ne peut pas arriver et violer l'espace psychologique d'un individu au nom de l'intelligence. On ne peut pas rendre quelqu'un intelligent à force de manipulation ou à force de taper dedans. L'individu intelligent, on peut le forcer à bouger. Mais l'individu qui n'est pas intelligent, on peut absolument rien faire, sauf de le laisser vivre son karma astral. Il n'y a rien de mieux que l'astral pour écœurer suffisamment un individu pour le rendre intelligent. L'intelligence, c'est pas faire ça. L'intelligence, elle explique. Alors, quand on rencontre une personne à qui on peut expliquer, on explique. On commence toujours avec les solutions douces. Ce que je vous dis, moi, c'est que le respect d'autrui ne doit pas finir par entacher votre respect personnel. Alors, quand c'est rendu qu'une personne doit se médiocriser, doit perdre en énergie, doit se rendre malade, doit perdre son temps, doit perdre sa vie, uniquement parce qu'elle aime trop l'autre, puis elle veut lui expliquer des choses, elle ne veut pas être violente, elle ne veut pas faire de choc, vous êtes en train de vous préparer un choc à vous-même, au nom du fait que vous ne voulez pas en créer dans l'autre. Puis l'autre ne comprendra jamais, de toute façon, s'il n'y a pas de choc, parce que s'il y aurait à comprendre, il aurait compris déjà. Sinon, ce n'est pas le temps. Puis c'est quand ça va être le temps, vous ne serez plus en armes, vous ne serez plus en énergie pour que ce soit vous qui le fassiez. Puis quand je dis créer un choc, on ne crée pas des chocs. L'individu qui ne comprend pas, dégage toi-en. Puis ça veut dire « reste plus avec », ça veut dire « reste avec lui, mais mène ta vie ». C'est tellement simple. Vous vous tondez votre gazon tous les samedis, les troisièmes samedis du mois. La personne qui était avec vous, à un moment donné, elle décide que c'est pas correct ça, puis le monde, il tonde ça deux fois par mois, eux autres, puis etc. Bon, on vous donne des affaires comme ça. Vous vous obstinez pas, vous l'engueulez pas, vous y faites pas de choc. Vous coupez votre gazon tous les troisièmes samedis du mois, puis ça finit là. Quand elle vient vous écœurer parce que c'est le premier samedi du mois, puis là, vous devriez le faire, puis etc. Là. Écoutez-la pas. Elle continue, puis à un moment donné, elle avait un choc. Vous comprenez? À 3 ans, qu'à tous les mois, le premier samedi, elle vous écœure encore avec ça, alors que vous allez rester au troisième samedi. Et là, vous ne vous respectez plus. À un moment donné, il faudra qu'elle comprenne avec un choc que c'est plus ça. Que ça ne la regarde pas. C'est pas bien expliqué. L'être nouveau, on n'explique plus rien. Pas par ego. Tu comprendras pas. Moi, j'ai rien à t'expliquer. Tu comprendras pas. Ou tu comprends déjà. C'est ça. Je ne sais pas pour lui dire. Écoute, le gazon, je m'en fous, moi, qui ai tant de pouces, etc. Ça ne me dérange pas. Puis une fois par mois, c'est suffisant. Puis, ah, t'aimes ces affaires qui sont là, tout là. Puis regarde, bon, tu sais, ça ne marchera pas. Moi, je coupe le gazon au troisième samedi du mois. Puis c'est parce que c'est comme ça. Je me suis mis une discipline, puis moi, ça me va. Ah, une discipline d'imbécile, puis... Tiens, oui, c'est une discipline d'imbécile. Puis moi, je suis un imbécile. Puis c'est comme ça. Puis quand ça ne démorce pas, ça, à un moment donné, il faut que tu l'apprennes, t'as coup de la côte d'un coin solidement, en lui disant, je ne veux plus jamais que tu viennes me faire chier puis m'écœurer avec ton esti ton deuil parce que je t'accasse ça. Ben. Ah! La personne, elle va comprendre, mais c'est un choc. Vous ne le dites pas. Si tu continues, même, je vais me mettre en colère. Chaque mois, tu sais, vous la préparez. Vous savez, quand vous allez faire ça, elle va être équipée depuis longtemps. Mais ce que je vous dis simplement, c'est qu'on ne doit pas respecter autrui plus que ce qu'on respecte soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on écœure tout le monde. C'est tellement simple. Ça veut simplement dire qu'on fait ce qu'on a à faire. On peut être doux. L'humain est facile. L'humain, là, il aime ça, la douceur. La seule chose qu'il y a, c'est que de temps en temps, l'astral détestant l'humain qui est doux va s'arranger pour vous ramasser comme il faut. Là, vous devez être extrêmement guerrier et guerrière. Dans le langage astral, ça veut probablement dire violent. Pas avec les autres. Je répète encore, détestez pas l'humain. Détestez le style astral. Puis quand vous parlez à quelqu'un qui est tout croche, c'est à ça que vous devez parler. Mais pas le moindrement qui vient chioler ou etc. Il faut qu'on laisse la chance au coureur. Il faut laisser la chance à l'humain. Puis à un moment donné, bien effectivement, quand l'humain, ça fait 3 ans là, qu'il chiale toujours les mêmes maudits de Babel, écoutez, s'il y a raison, tu sais, vous devez observer, là. S'il y a raison, on change. Et moi, ce que je vous dis, c'est dans une affaire où ça n'a rien à voir. Vous buvez toujours votre verre d'eau par la main gauche, puis l'autre aimerait ça que c'est par la main droite. Tu sais, ah, oh, tu veux être aristocrate, quelqu'un d'aristocrate, il boit ça avec la main droite, puis blablabla. Franchement, je vais écouter. Peut-être. Mais quand vous êtes tout seul chez vous, là, vous levez la main, vous voulez boire. Vous coupez votre steak à fourchette comme ça, puis plutôt comme ça, tiens, écoutez bien, parce que comme ça, là, vous en faites trop partir à bout, puis, tu sais, ça vous l'avez pas, vous n'avez pas le poignet comme ça, vous n'avez pas le poignet comme tout le monde. Mais là, est-ce qu'on en fait une crise existentielle? Ça regarde pas l'autre. Il se mêle de votre vie. Fait qu'on lui dit, on lui monte par la rue. Puis on, sinon, ben, à un moment donné, il faut qu'on fasse ce que nous autres, on a à faire. Puis c'est simple, mais c'est pas d'imposer sa volonté à autrui. Ça, il faut comprendre, parce que dans la structure de l'être ancien, il ne peut pas comprendre ce que je dis là. Automatiquement, il va jouer le jeu. Il va faire comme si. Il va apprendre. Il n'aura rien compris. Il va apprendre ce que je dis. Ah, il faut faire telle affaire. Dans telle situation, on fait telle affaire. Mais non, dans la situation d'exemple, on fait telle affaire, c'est vrai. Mais là, ce n'est pas une situation d'exemple, c'est une vraie situation. On fait d'autres choses. Il faut comprendre, il ne faut pas apprendre. Puis c'est facile. Non, parce qu'il y en a, là, si mettons la semaine prochaine, et... trois personnes qui se font à côté sur le mur à cause de la tondeuse. Là. C'est ça. Mais ils vont dire, ah, Daniel Kim m'a dit qu'il fallait faire ça. C'est pas ça que je lui dis. Enfin, il faut bien donner des exemples, on parle. S'il y en a même qui n'auront même pas parlé de la tondeuse, ils sont tombés sur le mur. Ben oui, c'est ça. Au cours, prévention. Là, je pense que je suis une tondeuse dans 2 ans. Là, moi, je veux te régler tout de suite. Il y a 2 semaines que je fais une cystite 3 fois à l'urgence. On me donne des antibiotiques, ça ne part pas. On veut me faire passer des tests que ça ne me plaît pas de passer. Le médecin dit que dans 99 % des cas, le problème est réglé avec les médicaments qu'ils m'ont donnés et qu'il n'y comprend rien. La douleur est toujours là. Pourquoi écœurer quelqu'un qui est déjà écœuré? Parce que vous n'êtes pas encore assez écœuré pour dégager vos énergies. Premièrement, le médecin, là, s'il ne comprend rien, vous devriez lui demander qu'il vous paye. Parce que là, il est en train d'apprendre des choses. Il est à l'université, puis il devrait vous payer pour apprendre. Sans ça, on change, effectivement. C'est sûr que les cystites, les cholécystites, puis tous les phénomènes du même genre, habituellement, les médicaments ont raison de ça. Sauf si vous, vous ne voulez pas guérir. Hey, l'être nouveau, c'est la personne transitive. C'est puissant, maudit. Il n'y a pas un médicament, puis il n'y a pas un médecin qui va être capable de guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir si c'est un être transitif. Puissant, l'être transitif. Ça fait des choses là que ça n'a absolument aucun sens. Alors, vous devez travailler aussi sur vous-même puis vérifier des choses, parce que sans ça, vous savez, quand on veut écœurer quelqu'un, on s'écœure soi-même. Je connais du monde là qui continue encore à s'écœurer. Quand je dis que les gens réincarnent japonais, pour ce temps, c'est rakiri. On est là, « Ouais, mais ils veulent m'écœurer. » Change. Ils ne pourront plus t'écœurer. Ça, mais comment ça essaie d'être écœurable? Bon, mais là, ce qu'on se dit surtout, nous autres, c'est « Ouais, mais s'ils ne m'écœuraient pas, là, j'aurais le temps de changer. » Ah oui, pas vrai, pas vrai. Vous vous mentez. Si vous écœurez pas, là, vous redeviendrez comme vous étiez avant. Puis j'en connais du monde, moi, qui évoluerait tellement plus vite s'il y aurait de l'argent. Mais s'il y aurait eu de l'argent, là, il serait tellement loin maintenant, en arrière. Un jour, quand l'humain aura plus besoin d'argent pour évoluer, là, ben non, pas d'argent. Quand vous aurez plus besoin d'écœurement pour évoluer, pour vous conscientiser, pour monter, là, vous serez plus écœuré. Mais vous avez juste à changer. Moi, l'astral ne m'écœure jamais. Je change les choses. Là, vous dites, moi, mais tout à l'heure, là, tu leur as parlé en tabarnouche, il faut croire que tu n'as pas qu'il t'écœure. C'est ça, j'ai changé des choses chez moi. Fait qu'il ne va pas m'écœurer. Parce que je leur ai préparé tout un canon. Mais j'ai changé des choses chez moi. Là, c'est ça, mais ce que tu fais là, toi, ça ne veut pas dire que les autres, parce qu'il y en a qui vont peut-être comprendre. Non, pas tout le monde commence à être comme ça. Écoutez bien, surtout s'il y a des... Si l'astral pense que maintenant, il y a des émissions intelligentes dans son territoire pour venir l'écœurer, alors ben, ce n'est pas des émissions d'intelligence, évidemment, c'est des égos qui se missionnent. Non, moi, je parlais pour l'astral, pour les égos, puis pour ces choses-là, parce qu'il faut préparer des choses, parce que l'humain n'a encore vraiment rien vu. Bon, le moindrement, là, que... il y a un petit bout de guerre qui rentre dans la conscience de l'humain, c'est même pas le doigt de l'individu, c'est avec le bout de guerre. L'humain capote déjà. Il faut commencer à le préparer, là. Pas à le préparer à supporter, mais non. Préparer à se pousser. Il faut préparer l'humain à se pousser. Il bon, faut que l'humain ait peur. Alors que toi, tu parles de ceux qui... Là, je parle de l'animal humain. Les indésirables. Pas les désirables, les indésirables. Les individus qui font pas encore partie des structures de leur intelligence. C'est du monde correct. C'est du monde qui vont progressivement apprendre à apprivoiser l'intelligence. Ils vont apprendre après ça à la spiritualiser, pas être capable de la goûter. Nous autres, on va digérer beaucoup d'intelligence pour eux autres. On va les alimenter. C'est essentiel. Avoir la paix. Sauf qu'en attendant, ces personnes-là ne peuvent pas goûter et ne peuvent pas assister au lever du soleil. Alors, cela va leur faire assez peur pour qu'ils migrent toutes vers le côté de la planète où le soleil ne sera pas visible quand il va se lever. Bon, après ça, quand ils vont vouloir venir, ils vont commencer à voir un petit peu de lumière, puis un petit peu de lumière, puis un petit peu de lumière, ils vont voir les étoiles des fonds lentement, mais ils vont s'habituer. Tandis que présentement, si le soleil apparaît là, ils vont tout tirer dessus. Tu sais depuis des années que tu dois laisser tes mémoires, certaines choses et certaines personnes. Si tu continues à persister à vouloir les emmener avec toi, ce sont celles avec qui tu as à être qui sont dans l'avenir avec toi dans un futur possible qui vont te laisser. Tu en es conscient, mais tu résistes. Ah, moi, j'aime ça, moi, le monde qui s'occupe de moi comme ça. Est-ce ton ego à part de la rupture? Non, non, c'est ça. Ici, c'est une personne qui comprend foutrement rien à tout ce qui se passe. C'est compliqué, c'est juste. C'est pas mon ego, c'est pas rien de ça. C'est une personne qui comprend rien. C'est une personne qui projette des choses qu'elle vit elle-même. Et c'est une personne aussi qui a bien peur de bien des affaires. Puis c'est une personne qui, en plus, essaye de récupérer l'affaire au complet pour être incluse inconsciemment quelque part dans une mécanique. Ça, mais est-ce que c'est une démonstration de la jalousie dont tu parlais tout à l'heure? C'est une démonstration de la jalousie qui est assez énorme. Puis, c'est ça. Parce que, vous savez, quand une personne, je vais vous expliquer, l'astral mentalisateur, il jase comme ça. Tu sais que tu ne dois pas faire ça! Ça veut dire que tu le saches ou non, si tu veux faire l'intelligent, il faut que tu acceptes ce que je dis. C'est totalement ça, c'est quelqu'un qui pointe avec le doigt et qui jase comme ça. Tu sais, ça, c'est une vieille sœur ou un vieux frère là, qui regarde. Alors, tu sais depuis des années que tu dois laisser tes mémoires, certaines choses et certaines personnes. Tu sais, c'est ça. Plus au courant que toi. Oui. Si tu continues à persister à vouloir les amener avec toi, ce sont elles. Sont celles avec qui tu as à être dans leur avenir qui vont te laisser tomber. Tu comprends? Bon. Tu en es conscient, mais tu persistes, tu résistes. Est-ce ton ego qui a peur de la rupture? Une chose qui est extrêmement importante, premièrement. Chaque fois qu'une personne amène quelque chose, que ce soit son ego, que ce soit sa jalousie, sa projection, etc., il y a toujours quelque chose à fouiller là-dedans, premièrement. Okay? Ça veut dire qu'une personne ne peut pas et n'aura jamais la Bible, les chrétiens, les Christians, votre pire ennemi, lorsqu'il vous dit quelque chose, il ne peut pas avoir 100% tort. Bon, de un. Sauf que la problématique, c'est que il y a des personnes, à un moment donné, qui vont dire des choses, puis ce qu'elles ne se rendent pas compte d'eux autres, c'est qu'elles sont tellement occupées à s'intéresser à quelqu'un d'autre, que pendant qu'elles sont en train de pourrir, elles te parlent du petit bouton que tu as sur le bout du nez. Ça, c'est un problème. Et en plus, la personne est totalement aveugle. Celle-ci, entre autres. Puis là, je ne veux pas qu'elle se sente frustrée. Ce que j'explique simplement, c'est qu'il y a des individus qui sont toujours quelques mois à quelques années en retard. Autrement dit, ça m'arrive souvent, puis ça fait partie des structures de l'astral. L'astral essaie souvent de récupérer des individus pour s'arranger pour que ces individus-là, pas me laissent, ils me laissent pas, c'est trop beau, pour que ces individus-là finissent par me détester. Après ça, l'astral va essayer de les récupérer contre moi. C'est ces individus-là qui vont payer et qui vont manger de la sainte marbre. L'astral au complet qui les aura manipulés aussi. Si les individus veulent bouger contre moi, je ne dis pas que la personne ne sait qu'à faire, mais j'explique. Il arrive ceci. Il arrive qu'à un moment donné, j'entre en contact avec le plan bouddhique un peu plus, puis je commence à changer un peu. Puis là, quand c'est de plus en plus exprimé, là, je commence à savoir des questions. Tu sais, ça, vous devriez rentrer en contact avec le plan bouddhique, blablabla. Et 6 mois en retard, la personne se met chez elle, elle n'a rien vu. Aujourd'hui, ce que la personne, elle dit là-dessus ici, j'ai commencé à appliquer ça depuis des mois. J'ai continué à lâcher des choses depuis des semaines. Je continue à faire 100% ça. Je suis totalement là-dedans, totalement réglé là-dedans. Puis la personne, elle vient se plaindre que je ne le fais pas, que je sais que je devrais le faire, puis etc., etc. C'est ce papier-là ici, il est probablement 6 mois en retard. Alors, dans ce temps-là, bien, évidemment, c'est irritant du point de vue humain, parce qu'on se dit, bien, tabarnouche, il y a du monde qui se font charrier en sacre bleu. Ils sont pas là pour te dire, ils sont même pas là pour t'aider. Je suis juste là pour te donner le doute. Évidemment, ça ne fonctionne pas sur moi. Tu as tout changé, là. Mais là, je t'engueule parce que tu ne changes pas. Bien, c'est assez pour qu'elle commence à se poser des questions sur elle. Mais moi, ça ne sert à rien. La personne qui a posé la question, elle devrait réécouter la première partie de la conférence, elle devrait écouter la dernière conférence que j'ai donnée, elle devrait écouter plein de choses que j'ai faites ces quelques derniers mois pour se rendre compte que finalement, là, elle a rien compris. Il y a un an, ça s'est arrivé avec son papier. J'aurais dit qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut lâcher, puis qu'il y a des difficultés à lâcher les choses. C'est pas une question d'ego. Ça veut aussi l'affaire que tu amènes avec toi, c'est que tu n'amèneras personne avec toi. C'est une autre toi. Chose aussi qui est un gros problème encore. C'est qu'il y a des personnes qui aimeraient tellement être amenées avec moi que s'ils ne sont pas amenés avec moi, ils ont l'impression, eux autres, que c'est parce que je suis entouré d'épais et d'épaisses que je ne les vois pas. Fait que si je lâchais toutes les épais et les épaisses, là, je pourrais m'occuper de ces personnes-là qui sont correctes. Tu comprends? On parlait de jalousie. Il y a beaucoup d'inconscients là-dedans, mais il y a souvent des individus qui vont vivre ça. Bon, surtout ceux qui vont être... Faites-vous-en pas. Écoutez, si vous en savez plus que moi, venez plus à mes conférences. Parce que vous êtes bien à la mauvaise place. Moi, je m'attache à l'intelligence, donc je ne veux pas savoir s'ils en savent plus ou s'ils en savent moins. Mais si je suis dans l'énergie d'une personne, à la remorque d'une personne qui en sait moins, je m'en vais ailleurs. Je vais aller m'alimenter ailleurs. Sinon, je devrais me poser des questions. Écoute, cesse de dire à l'autre ce qu'il doit faire. T'attends juste après lui. Si c'est après lui que t'attends, c'est qu'il en sait mauditement plus que toi. Il y a bien des choses que toi, tu ne vois pas encore. Ça me fait penser, à un moment donné, j'étais dans un restaurant en train de faire une conférence, puis je parlais du libre-arbitre, puis je parlais de la problématique de Dieu. Puis là, il y a un bonhomme, une espèce de clochard qui est rentré là, un ivrogne, puis il est venu s'asseoir à côté de moi. C'est normal, parce qu'il m'aime. C'est gros à côté à faire. Puis ça a frustré, puis ça a perturbé toute l'assistance qui était venue entendre parler de conscientisation, d'intelligence. Et puis, à un moment donné, ben là, j'expliquais que Dieu, ça n'existe pas comme on le pense, puis Dieu, il charrie l'humain, puis il se fout de l'humain. Puis là, le clochard, à un moment donné, il lève la tête, puis il dit, « Hey, mais Dieu, il existe! » Fait que moi, j'ai dit, « Oui, Dieu existe. » Ah, OK. Là, j'ai continué à expliquer à tout le monde pourquoi Dieu n'existait pas. Puis après ça, il se lève de la tête, « Mais Dieu, il nous aime! » Bien sûr que Dieu, il nous aime. Ah, OK. Ça, j'ai continué mon discours. Une personne comme ça qui est dans l'assistance ne peut pas faire autrement que de me poser des questions sur mon hostile ego. Pourquoi tu ne dis pas, là? Pourquoi tu continues à le niaiser, là, lui, là? C'est ton ego, ça, qui t'empêche de dire les choses en même? Tu ne peux pas être transparent? On pourrait en sortir plein d'affaires. Je suis ajusté. Puis j'aime l'humain mauditement plus que la personne qui me dirait ça. Puis lui, là, que je dirais n'importe quoi, ça ne va rien changer. Ce qu'il a besoin présentement, c'est d'être capable de continuer à supporter sa misère. Il bat le cul, ça ne va rien changer. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a bien des choses que les personnes, quand ils m'écrivent des mots comme ça, il y en a une dernièrement qui écrivait plein de conneries. C'est une personne qui est frustrée, qui a des problèmes, puis qui se sent rejetée, puis qui aimerait bien être autre chose. Bon. Ces personnes-là, normalement, quand elles écrivent ça, c'est uniquement parce qu'elles ne voient absolument rien de ce qui se passe par rapport à ce que moi je fais. Fait que nécessairement, c'est des personnes qui. Il y a plein de. Puis il peut leur arriver des problématiques, ils peuvent aussi. Il peut jamais rien leur arriver, ils peuvent finir par comprendre à un moment donné les principes. Mais. Mon ego, là, occupez-vous-en pas, je m'en occupe. Et si j'ai trop d'ego pour vous autres, ça crée votre camp, j'ai pas assez d'ego pour vous retenir. Bon. Parce que, vous savez, oh, je ne pourrais pas encore en jaser longtemps, mais il ne faut pas que j'en jase longtemps, ça fait partie de mon bon côté, ça, là. Mais non, c'est correct comme ça, c'est bien, je m'en occupe de mon ego. Puis quand vous êtes 6, 7, 8 mois, un an en retard, là... Ça en prend-tu? Non, ça n'en prend pas. C'est du monde qui nous dit ça à un moment donné. Alors moi, je suis venu sur la planète juste pour te rabaisser, il faut bien qu'il aille qu'il fasse. Ça doit te prendre pour n'importe qui. Bon, tu me rabaisses pas. Tu m'empêches carrément d'avancer, mais tu me rabaisses pas, tu sais, puis la personne a se pensé missionner. Ça n'en prend pas du monde qui vont toujours venir te piquer. Imagine-toi que la question est totalement centrée sur l'ego du poseur, ou de la poseuse, OK? C'est totalement un ego qui a écrit ça. Puis en plus, ça s'adresse uniquement à un ego. Il n'y a pas un être humain intelligent qui va raisonner à une question comme ça. Puis là, je parle de la question, parler du principe. Je ne parle pas de l'individu qui l'a écrit. Okay? Mais tu sais, puis est-ce que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça? Écoute bien, vous allez chercher un ego chez l'humain, puis il n'y a qu'un ego qui fait ça. Fait que la personne, elle pourrait se dire, ah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le pousse. Mais écoutez, si vous poussez de l'ego, c'est pas long, vous allez en faire comme aujourd'hui, vous n'allez plus rien pousser du tout. Bon, c'est pas une question d'ego. Tu sais, il y a du monde qui trouve que je suis entouré d'épais et d'imbéciles. C'est vrai que je suis entouré d'épais et d'imbéciles. Je suis totalement d'accord. C'est les moins épais et imbéciles que je connaisse. Alors, on fait avec ce qu'on a. Et si vous me trouvez pas correct, je suis peut-être le plus correct de ceux que vous connaissez. Je dis pas que je suis parfait encore. Mais à un moment donné, écoutez, on avance avec ce qu'on peut avancer. C'est mon égo, je m'en occupe. Il est en bonne main aussi. Il est dans les gros étoiles. Alors là-dessus, on s'amuse, on fait attention, puis...